Mes manières dérangent souvent, étrange. Pareil que quand je parle, j'hurle, je dérange. Peu âgé, déjà naufragé. Dans les têtes de certains, ce vrai de mauvais frère. Mes manières dérangent souvent, étrange. Pareil que quand je parle, j'hurle, je dérange. Peu âgé, déjà naufragé. Dans les têtes de certains, ce vrai de mauvais préjugés. Ces branques me prennent pour un claqué. Un baiser du cerveau détraqué. Fada obsédé pour un j'divague. Fous mes pas fous, je suis pas malade. Ces salopards ont mal à la bouche avec moi. Veulent plus faire de balade. Trop aime s'épuiser à maudire ma chute maniaque. Fier de parler sur moi et mes actes. Trop icos de camisole de force. Rêve qu'on m'isole de force les tarbas. Si j'énonce leur dose, je fournis matière à discussion. Mal fond, mais dire suis la direction. Prends possession de mon cerveau. Névro-névrosé, trop de dégâts causés. Trop de lésions, psychotrauma, coma. Éveillé, je fais les mêmes rêves, les mêmes cauchemars. Je perds le sommeil, ils créent et manipulent mon oseille. Me massacre de dettes de mandat, me traite de bête de somme. Illégal quand je consomme et vends mon produit. Je pète les plombs, faut que j'allonge les yébis. Ça tombe plus rond, je te vois partout. Je suis pas dingue, je suis pas fou. Je suis pas fou. Des troupes, t'entends Joko, pose avec le mal du Nord, les MC McLean, oui, oui. Certains c'est slam, clam c'est pas sa ma splendeur. Voici le Jack Islander, smoke and love, mon ego, mon logo, jusqu'à mon mégot. Hey, cousin, le ouf, le plus fou, le moins ouf que le fou, qui tâche qui le ouf. Installé sur ton fauteuil, par ma voix laisse-toi aller. Mon kiff, fais le tour à nouveau spliff, non merci au sniff. Et tous mes homeboys firent la face du diable. Un spectacle odieux à l'en haut de l'âne insupportable. Un putain de mic à la main, fume du hashtag. Dans l'entmasse, dispatch et se fâche. Dans le cœur d'un chacun un cas. Possession, ne fais pas concession. Inspire tes confessions. Et quand il passe au nord, malédiction, ma position. Voyez-vous, on dit que je suis fou. Celui qui n'a jamais péché, mélange le premier caillou. Voyez-vous, je ne suis pas fou. Balaye des traves à Clichy, j'tape des dépôts de Tuileries. Demande à Derka, enlève le crâne, trou dans le lit. Trop de la Saint-Déli, ma langue stélie en style poli ou façon colis. Piégé, j'suis pas fou, juste agrégé 26 balais, mayday. J'tape des tripes de dingue de barge, j'camberge, j'monte la berge. J'frange des 30 berges, 30 cierges, black pass et j'stalac. J'suis pas fou, j'veux pas qu'on balle pas comme un schlag. Le but de mes textes, tu es rime, tu es ce qui me constitue. Ici les rimes prostituent, tandis que là-bas ça se prostitue. Mike dépressif. Précise ton lac, je max et m'impose. Névrose pour mes rimes, ici n'y a rien qu'elle ne m'impose. Ici c'est. C'est ma sondesse, en malédiction du nom, le R.E.S.K. qui force. Ici même les haineux sont innocents. Les leçons se donnent, on se sent, je suis pas ouf, ce sont mes phrases qui le sont.